La délégation du Centre de la politique de sécurité de Genève, Suisse, conduite par Alain Guidetti, conseiller du programme du développement régional, a visité du 12 au 16 octobre la Corée sur l'invitation de l'Institut du désarmement et de la paix du ministère coréen des Affaires étrangères. La délégation suisse s'est entretenue avec les membres de l'Institut du désarmement et de la paix et de l'Académie des sciences sociales pour discuter les problèmes d'intérêt commun comme ceux sur la situation de la péninsule coréenne. La délégation a visité la maison natale du président Kim Il-sung à Mangyongdae, le musée de la guerre de libération de la patrie, le palais des sciences et techniques, etc.